Chapitre 3. Que diable voulez-vous que je vous révèle sur Merwin Rilavalon qui n'ait déjà été narré ? Un doute peut-être. Un soupçon qui s'est infiltré dans mon esprit il y a plusieurs dizaines d'années de cela. Et qui a cru jusqu'à devenir une conviction. Merwin n'était pas un dessinateur. Il était bien plus que cela. Maître Duomnilergue, discours d'ouverture de la 345e session de l'Assemblée de la Guilde des Analystes. La nuit était tombée. Un feu brûlait dans une clairière proche de la lisière du bois. Les compagnons, rassemblés autour des flammes, essayaient avec difficulté de se réchauffer. La neige avait cessé, mais le froid était toujours vif, et un vent sec transperçait leurs vêtements. Bjorn et Maniel avaient démonté les ridelles puis le banc du chariot et les avaient utilisés pour construire des plateformes rudimentaires sur les fourches des arbres. « Je ne pense pas qu'ils reviendront », avait exposé Edwin. « Mais nous ne prendrons pas de risques. Ce soir, nous coucherons en hauteur. » Salim dormait toujours, profondément. Impossible à réveiller. Ses amis l'avaient enveloppé de deux couvertures puis rapproché du feu. « Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui est arrivé à ce garçon ?» demanda Bjorn. L'effet Merwin, répondit laconique maître Duhom. Mais encore? Les marches du Nord sont parfois agitées par d'étranges phénomènes liés à l'art du dessin que les analystes essaient en vain d'élucider depuis des générations. Toutes les études que nous avons menées débouchent sur une impasse. Et au fond de cette impasse, il y a Merwin. Je ne vois pas le rapport avec Salim, insista Bjorn. J'y arrive. Certains lieux sont littéralement imprégnés de la puissance de Merwin. Que ce soit parce qu'il y a exercé son art ou parce qu'ils ont revêtu pour lui une importance particulière. Nous les appelons les Yatus. Tous ne sont pas connus, loin de là. Et si certains sont très étendus, d'autres peuvent être franchis d'une seule enjambée. Dessiner dans un Yatus se révèle souvent impossible et toujours aléatoire. De drôles de choses y surviennent, et habituellement, les Alaviriens évitent de s'y aventurer. Dans la forteresse, en revanche, aucun événement bizarre n'a jamais été remarqué, bien que l'aura de Merwin y soit plus forte qu'ailleurs. Elle baigne littéralement les murailles, les salles. De mémoire d'analyste, personne n'y a jamais dessiné. Sauf dans la vigie, précisa Edwin. Oui, exact, acquiesça maître Duhom. La vigie est une exception dans l'exception. Bjorn se gratta le menton. Je suis un pauvre chevalier qui a certainement reçu trop de coups sur la tête, mais je continue à ne rien comprendre. Pourquoi Salim s'est-il retrouvé avec des yeux jaunes en train de jouer au loup ? Nous sommes dans un Yatus, Bjorn ! S'exclama le vieil analyste. Quelque chose devait être enfoui tout au fond du garçon. Le pouvoir de Merwin l'a fait remonter à la surface et a suscité la transformation. Salim va devenir un loup ? Maître Duhom leva les yeux au ciel. Il y a plus de chances pour que tu te métamorphoses toi en crapaud. Salim n'est pas réellement devenu un loup et sa transformation n'est que temporaire. Il est d'ailleurs probable qu'en se réveillant, il n'ait aucun souvenir de ce qui s'est passé. Les Yatus, s'ils provoquent parfois d'étranges choses, n'ont jamais d'effet néfaste. Je ne serais pas loin de penser qu'au travers des siècles, par-delà la mort, Merwin a trouvé ce moyen pour nous venir en aide. Je te rappelle que l'intervention inespérée et sans doute involontaire de Salim nous a sortis d'une situation très délicate. Bjorn prit un air dubitatif, mais n'ajouta rien. Pendant quelques minutes, le silence ne fut rompu que par le craquement des branches dans les flammes, puis Edwin croisa les mains derrière sa nuque et s'étira. Alors ? Demanda-t-il simplement. Il ne s'adressait à personne en particulier, mais tous les regards se tournèrent vers Elana. La jeune femme sourit. « Alors vous nous manquiez. Je ne suis pas du genre à étaler mes sentiments en public et je ne vous en dirai pas plus, désolée. » Bjorn caressa sa barbe naissante et ouvrit la bouche, ses yeux riant par avance de la boutade qu'il s'apprêtait à lancer. Elana lui coupa son effet. « Tourne ta langue cette fois dans ta bouche avant de parler, » lui conseilla-t-elle avec un sourire carnassier. « Je vois que tu as besoin d'un coup de rasoir. Ne me provoque pas. » Bjorn fit signe qu'il renonçait. Emmanuel lui asséna une bourrade amicale. Edwin dévisageait la jeune femme, et lorsqu'elle s'en aperçut, ses joues s'empourprèrent. Je suis heureux de vous retrouver, déclara-t-il. Et Lana se leva pour dissimuler son trouble. Elle s'approcha de Salim, roulée en boule dans ses couvertures, et Camille la suivit. Le garçon ronflait légèrement. Sa respiration était profonde et régulière. Camille attrapa la main d'Elana. « Merci, » lui souffla-t-elle. « Ne me remercie pas, » répondit la jeune femme. « Je n'ai pas fait ça uniquement pour toi. Je crois que nous en avons tous conscience. » Les deux amies se regardèrent et éclatèrent de rire. Puis Camille redevint sérieuse. « Tu ne risques pas d'avoir des ennuis avec les marchombres ?» Elana haussa les épaules. En intégrant la guilde, un marchombre accepte un certain nombre de principes auxquels il ne dérogera jamais. Toutefois, sa liberté reste totale. Salim sera initié. Il m'appartient de juger du moment opportun. D'ici là, je continuerai à le former. Pourquoi alors être parti ? S'étonna Camille. Peut-être par peur des sentiments que je découvrais et que je n'étais pas prête à admettre. Edwin ? Oui, et toi, et Bjorn, et même Maniel et Maître Douhomme. Mais vous quitter m'a fait comprendre combien je tenais à vous. Camille se pencha et déposa un baiser sur sa joue. « Et j'aurais été vraiment bête de ne pas revenir, » acheva Elana. La nuit ne fut pas reposante. Le froid était intense et dormir sur une planche fixée dans un arbre loin d'être confortable. Lorsque le jour pointa, Camille était moulue. Elle s'étira longuement. Au travers des branches, elle voyait le ciel se teinter d'un bleu parfait. Il n'y avait plus le moindre nuage. Elle détacha le lien qu'il avait assuré pendant son sommeil et glissa au sol. Maniel, qui avait pris le dernier tour de garde, lui fit les gros yeux, mais elle le rassura en lui indiquant les buissons proches. Le soldat comprit et, en souriant, détourna le regard. Le givre craquait sous ses pas et Camille s'émerveilla devant la multitude d'empreintes laissées par les animaux nocturnes. Elle s'éloigna et fronça soudain les sourcils. La pulsation qu'elle avait perçue la veille reprenait, plus intense, plus précise. Elle avait conscience qu'il ne s'agissait pas d'un véritable son, et qu'elle était peut-être la seule à l'apercevoir. Elle en localisait à peu près l'origine, et presque malgré elle, écarta une branche basse. Elle s'aventura au cœur du bosquet. Les conifères au feuillage bleuté y étaient plus hauts, plus droits. Des buissons de genévriers ponctuaient le vert environnant de l'éclat de leurs baies rouges vifs. Les troncs s'espacèrent et une clairière parfumée de résine, respirant le calme et la sérénité, s'ouvrit devant Camille. Elle la crut d'abord déserte, puis se rendit compte que le battement qui l'avait attirée provenait de son centre. Une fine couche de neige s'était déposée sur un sol en pente douce, traversée çà et là par des touffes d'herbes qui refusaient le froid. Camille se sentait bien. L'étrange pulsation s'était calquée sur le rythme de son cœur. Elle baignait dans une harmonie bienfaisante. Peu à peu, une forme s'esquissa dans la clairière. D'abord translucide, presque illusoire. Elle gagna en opacité jusqu'à caresser la réalité. Un dessin. Un dessin naissait sous ses yeux. Et Camille n'en percevait ni l'origine, ni la raison. Un bloc iridescent aux angles arrondis, haut de près d'un mètre et long de deux, reposait sur un socle de marbre rose veiné de blanc, rayonnant de puissance. Camille comprit que l'objet était si parfait qu'il pouvait être éternel sans être vraiment là, apparaître et disparaître au gré d'un pouvoir qui dépassait son entendement. Il s'enfonçait si loin dans la réalité que la clairière s'organisait autour de lui, comme une huître autour d'une perle. Elle s'avança sans crainte. Elle savait qu'elle était la bienvenue, que si elle avait été indésirable, l'objet se serait dérobé à ses sens. C'était un tombeau. Un hommage infini à la femme qui y reposait, coupée du monde par un couvercle de cristal, prodigieusement belle. La mort n'avait su gommer la douceur et la noblesse de ses traits, ni ternir l'éclat de sa peau. Une masse de cheveux dorés cascadait autour d'un visage au contour parfait et accompagnait les courbes d'un corps merveilleux. il n'y avait aucune inscription sur le tombeau. Comme si la beauté de la gisante rendait inutile toute explication. Camille était bouleversée. Une perle salée naquit au coin de son œil et glissa sur sa joue. Elle se détacha et vint se briser sur le couvercle de cristal, en libérant une note pure et haute qui se transforma en un appel déchirant. Viviane. Longtemps le prénom résonna dans le cœur de Camille. Quand Edwin la retrouva, agenouillée au centre de la clairière déserte, elle pleurait, et chacune de ses larmes était un poème offert à l'amour perdu de Merwin.